Il se baladait au clair de lune, sur l'herbe humide d'un jardin, et sans aucune fortune, il faisait son petit hérisson de chemin. Insouciant il était quand la nuit tombait, car qui s'y frottait s'y piquait. Alors tranquillement, d'un pas lent et rassuré, il faisait sa vie comme il l'entendait. Eh ouais, c'est juste un hérisson, mais pas con, pas con, pas con. Eh ouais, c'est juste un hérisson, mais pas con, pas con, pas con. Il devait pas se prendre la tête, lui c'est sûr. Avec le boulot, les femmes et les ordures, à sortir devant chez soi comme un bon citoyen. Travaille dur et qui paye toujours ses factures. Il devait pas se prendre la tête, non c'est sûr. Il vivait l'instant présent sans se soucier du futur. Et ouais, c'est juste un hérisson qui aimait la nuit, les étoiles, la lune et sa lumière pâle. Et ouais, c'est juste un hérisson qui aimait la nuit, les étoiles, la lune et sa lumière pâle. Un jour, ce pauvre animal, dans la nuit presque banale, allait rencontrer la mort, le grand tunnel, la lumière et tout le décor. Car l'aventurier qu'il était le poussait à traverser des chemins mal fréquentés où il ferait pas bon se faire écraser. Et le malheur arriva quand surgit hors de la nuit un bon citoyen à toute allure dans sa voiture et sans même un coup de klaxon. Et avec toute sa raison écrasa notre hérisson, mais pas sa chanson. Sous les étoiles, qui aimait la nuit et tout son calme. Et ouais, c'est rien de plus qu'un hérisson.